Ça sature. Ça, c'est le son de. Le son Korg. Basse dépôt. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi jouer. Eh bien, attends. Ça. Ça a pas le son. Ça va pas se mettre. Je suis pas carré. Je suis pas carré. Faut partir à. Ça va pas, je suis pas carré là. Baisser le son. Sorry, problems.